pour tous les doyens et les doyons qui tentent de graviter autour de l'œuvre cinématographique de Jacques, nous nous en excusons. Nous nous en excusons. On comprend pas. Jacques Doyon. Oh, c'est qui ça? Nous nous en excusons. Alors donc, la phrase de Bukowski, c'était « Je t'aime, Albert ». Une chanson rythmée. Oh, on y va. Tex le corps. Oh, Tex. Ah ouais, mon ami Tex. Non, c'est pas lui, c'est Rosaire. Vas-y, mon Rosaire avec Tex. Tout le monde ensemble. Oh, la base est à la base de toute musicalité. C'est le plancher. Oh, on y va. Tant qu'il me passe quelque chose dans le frigidaire, prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire, je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un bon matin, un bon matin, ma roseille, on mettra du verre de pain. Oh, un pain tranché. Moi qui mets les baisers, oh, les plus élections, ici, même la ferme du rond. Oh, des millions de dollars. Oh, aux petits acteurs que moi, des gens même pas que si j'ai quand il me restera quelque chose dans le frigidaire, dans le frigidaire, je prendrai mes bouches, je ferai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Mais ça est fait, même mon épais. Une chance qu'à toi qui m'aime. Je suis pas gentil. Assez trop m'endurer. C'est comme prendre le temps. Quand je relève les crêtes, je considère loqué d'avoir ma Rosalie. La ville est polluée. L'air est pur dans mon quand il me restera quelque chose dans le frigidaire. Ensemble. Le frigidaire, tout le monde ensemble. Oh, je ferme les rayons, je laisserai faire femme dans le frigidaire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. On va en mettre des pains. Je suis notre frère, j'ai envie, oh, et j'ai une bande d'inconnus. Rosalie, t'es tranquille, oh, et tu chantes même plus. Je travaille pour pas grand chose. Moi non plus. On vieillit comme nous. C'est au seul mon cœur de rose. C'est l'électrique facteur. Quand il reste quelque chose dans le frigidaire. Oh, ouais. Je prendrai mon rouge, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin. Ma Rosalie, on s'en retournera d'où c'est qu'on vient. On s'en retourne, on s'en rose, viens ensemble. Tu racontes comment j'ai rencontré Linda Lemay. Oh mon Dieu, moi aussi. Jamais, ça, parce que si elle est connue en France aujourd'hui, regarde-moi bien dans les yeux, oui. Je n'y suis pas pour rien. Et ça, je te le réserve. Ok, mais vas-y. Vas-y. Ça tourne. Ah, ça tourne, tout est prêt, oui. Ah, mais il n'y a que moi. Ah, ben oui. Ah, d'accord. Et toi, tu ne te prends pas. Je ne prends pas. Ah, non, pas l'image. Ah, non. Non, mais t'es si beau comme ça, les moustaches coupées. Ah, oui, je sais. Oui, les types, tout est, voilà. Tout est ce qu'on trouve. Les chevaliers hirsutes, un peu. Oui. Parisien sur les. Oh, très, très relax. Voilà, donc je suis dans mes errances. Oui. Donc je vais tout ça. Ah, ben, errant. Mais je suis content de te rencontrer, Renat, pour te dire une chose. Parce qu'on se parle depuis longtemps grâce à l'Internet. Oui. Et cet été va me permettre de te dire que, faire la confidence que Linda Lemay, oui, ta compatriote. Malgré moi. Malgré toi. Ouais, parce que j'aime pas vraiment ce qu'elle fait. D'accord. Tu la supportes. Ben oui, parce qu'elle est québécoise. Coconut water, man is good for your daughter. Coconut got candy, make you feel very dandy. One woman told me the other day that no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut coconut got whiskey, make you feel very frisky. Coconut got conk, make you feel very drunk. Like a giant. Coconut got conk, make you feel very drunk. Coconut, bye bye bye bye bye bye. Coconut woman say, man, I got coconut body dozen on the treetop, child. Yes sir. Then she say, you hear? In my room, I want you here. Now we're gonna be face to face and I'll lay right down in my favorite place. And now I wanna be your dog. Oui, 17 degrés, 17,5 degrés, mon Jean-Marc. Bien là, ça dépend pourquoi 17 degrés à l'ombre ou pas à l'ombre ou derrière l'ombre, derrière l'arbre. Non, pas derrière l'arbre. 17,5 degrés, bien c'est... Hey, dans quelle mesure tu évalues ce 17,5 là? Écoute, j'ai regardé derrière. Derrière? C'est écrit 17,5. Oh, OK, ouais. Mais il faudrait pas trop relater un petit peu. On sait pas ce qui... À la vie, est comme... Mais si tu veux, je te conseille pas de... Hé, hey, t'es clair, en... avec toi, là, on va aller loin. Tu devrais être politicien. Oh, mais non, mais si à ta... Mais je veux peut-être... Si tu m'écoutes, je veux pas que tu m'entends. Mais mon propos n'est pas aussi. Mais dans le... Ah, bon... 17,5... Est-ce que c'est vraiment 17,5 dedans? Ben, 17... Est-ce un point ou une virgule? Attendez, je vais aller voir. 17,5%. Oh, tu réussis pas. Non, mais... non, j'espère. Il faut un 100%. Hey, t'es malade, 100%, je suis incapable de parler. Ben voyons donc. Ah non, moi, j'ai la glotte qui gît. La glotte qui gît. Ah, c'est... Moi, j'ai la glotte qui gît au creux de mon sentier. J'ai la glotte qui gît au bout de la morée. J'ai demandé à Marie si elle sait me parler. Elle me dit ta glotte qui gît. Et moi, j'étais présent. À bout de ses mêlées, à bout de tous les sentiers. À tous les sentiers. À bout de ses montagnes. À bout de Satan. Oui. Je rencontre la petite fille. De Tolstoï. Oh. Ou l'arrière-petite fille. La jolie petite russe. L'arrière-derrière, là. Il a rencontré l'arrière-petite fille. Il parle d'arrière. Excuse-moi. Mon père m'avait donné une chambre de mansardée, plutôt. Pour que j'en fasse un atelier. Oh. Peut-être un atelier d'improvisation, mon cher-cherge, parce que cherche le moment d'aller. C'est bien que tu aies dit ça. J'aime bien ton propos, puisqu'il continue l'émission. Un atelier d'improvisation s'impose à nous. Si tu veux aller derrière le 17,5%, s'il vous plaît, tu vas voir, il y a une très belle soirée qui s'organise avec il y a Alice Roby, il y a Serge Gainsbourg, il y a Philippe Léotard et le grand, le très, très, très, très, très grand Jacques Babel, qui est toujours là avec « Mon plan B, qui est l'océan, mon B, c'est par là-bas, c'est par Ethereo, je veux avoir la mer derrière la radio, quand CKRL me ramène à l'existence, quand CKRL me revoit dans mon enfance, je m'en débarrasse, je m'en débarrasse. » Je ne vois le passé, car c'est KRL qui est la mienne. Je veux le rencontrer, comme dans l'Exco. Quand va Crisco, quand elle chante Tico. Est-ce que je continue un peu? Sporadiquement. Et j'amène cette fille qui était pucelle. Sur mon petit lit de camp. Je suis sur elle et elle prend peur. Alors je... Ah! Cette semaine, là, vous suivez, elle prend peur. La petite fille de Jack Monoloy, là. Hein? Mais on l'a oublié. Mais c'est pas Jack Monoloy, c'est la petite fille de Tolstoy. Jack Monoloy, Tolstoy, c'est la même chose, c'est la même gimmick. Hey, voyons donc, c'est des créateurs. Ah, c'est vrai. On peut. Jack Monoloy, Tolstoy. Même, j'avais jamais pensé à ça, moi. Moi, je pense pas. Moi, je ne suis qu'un organisateur d'idées. J'amène que des mots. Les mots m'amènent. Je m'accroche. Arrête de t'accrocher parce que tu te vois décrocher. Mais c'est ça. Le mieux, c'est de s'y agripper sans jamais tomber. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bas d'un mot celui-ci pour en observer la moindre couture. Vous la connaissez, même si je bafouille, là, ce n'est point grave. Vous savez à quoi vous attendre. Sinon, allez vous étendre. Mettez vos écouteurs et mettez la radio. Ben oui, j'adore. C'est sûr ce qu'ils ont la radio, sinon ils ne peuvent pas t'entendre. Mettez. Mettez. Oh, tiens, attendez-vous, mettez. Hey, tu fais bien, mais. Tu fais bien, mettez. Oh! Moi, j'ai déjà été un mettez, moi. Mettez. Mettez souliers, mon petit mettez. Tu verras, tu vas te régaler. Cette semaine, et ça, jusqu'à. Arrête de le dire, squeezeront. Bon. Le mot de ce. Dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, ce beau 10 juin 2011. C'est le mot théâtre. Oh, les théâtres. Non, mais Barbara parlait des théâtres. Moi, mes théâtres. Ben, arrête de chanter, mais les théâtres, c'est ça. Le théâtre, l'art dramatique, qui nous amène sur la planche, toujours un peu... Coûté un bras, puis j'ai pas cru un mot de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit Ah bon, vous êtes ici? Ben non, nous sommes là. Vous êtes là, oui, juste ici, en haut de là, dans l'au-delà. Oh, tu es là, oui, juste ici. Ici où? Dans l'au-delà. Tu m'entends? Non, comment ça? Il n'y a pas de micro. Ben oui, Jésus-Christ. Oh, pas de haut-parleur, Jésus-Christ au-delà. C'est pas du théâtre, ce ne sont que des blagues. Des blagues à la UNESCO. Oh, en parlant de UNESCO, qui est la cause de UNESCO? Pardon? Qui est la cause de UNESCO? Est-ce que c'est une question d'examen? Oui, c'est l'examen de la vie. Vous allez passer devant le public qui vous jugera selon votre talent, votre savoir et les connaissances que vous allez nous amener à travers des personnages que vous camperez. J'espère que ce ne sera pas sous la tente. Camper sous la tente. La tente campée sous la tente. Hein? Ouais, je vais aller me reposer. Ouais, je vais aller me coucher. OK, les antidépresses. Je suis honnête. Oui, d'accord, je vais. Jamais j'irai aux têtes. D'accord, personne ne peut. Merci beaucoup. Alléluia, alléluia. Ah, les théâtres, ils sont ouverts. C'est des lieux ouverts pour des âmes ouvertes, pour des individus prêts à découvrir et à entrer, à pénétrer dans un univers qui, très souvent, n'est pas le leur. 500, 250 personnes, 100 personnes, 3 personnes qui risquent de s'enliser dans quelque chose qui leur semble très loin d'eux. Exemple, le 18e siècle, oh, le 17e siècle, oh, le 16e siècle, il va dire le 15e siècle, le 15e siècle, il est prévisible, le prévisibilisme, qui aime jouer le prévisibilisme à part l'être qui le sait? Oui, mais s'il sait, c'est pas présébelleux. Ben voilà, si c'est pas présébelleux, c'est très vu, c'est très connu, mais c'est en dehors de tous les sentiers battus. Si tu as peur, tu reviendras. Je te touche pas, on te reviendra demain. Mais jamais revu. Ça, ça a été le commencement d'une misogynie forcenée. Donc j'étais extrêmement malheureux quand elle m'a lâché. Vraiment, c'est une fille que j'aurais pu la violer. Ouais. Alors là, nous irons pas ailleurs que dans un... Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Là? Tu as bloqué ça sur un moment assez charnière. Là. Oui, alors nous volerons de nos ailes pour vous envelopper sur ce bloc musical. Tu t'en es encore sauvé. Bravo, mon réré. Merci beaucoup. Je danse contre les ombres, je danse contre la mort. Mon corps contre ton corps, caché dans la pénombre. Je danse avec toi. Tu danses comme un ange, tu conjures les sorts. Tes pas sont si étranges, on dirait que tu dors. Quand je danse avec toi, dans la nuit, belle et insolente, s'arrête le bruit sous le ciel immense, la musique. Corps électrique et quelques pas de danse. Je danse contre les ombres, contre le temps qui passe. Je danse contre la montre et la vie qui s'encrasse. Je danse avec toi. Contre les ombres, je danse contre la mort, mon corps contre ton corps, au milieu des décombres, je danse avec toi. Dans la nuit, belle et insolente, s'arrête le bruit. La musique, ton corps électrique et quelques pas de danse. Thank you. musique. Ton corps électrique. Et quelques pas de danse. On ne force pas à l'écouter. Non, je l'écoute pas. Ouais. Mais moi, je l'aime beaucoup. Ok. En tout cas, je suis tombé sur cette voix. C'est cette voix qui est tombée sur moi. C'était en 95. Nous allions partir au Québec. Toutes les émissions, le staff de Pascal Sevran, l'émission La Chanson, ah oui, Chanson, la célèbre émission, ah oui, qui n'est plus malheureusement pour plein de raisons. Parce que déjà l'animateur n'est plus là, puis l'émission, le concept n'a pas encore été repris. Je suis sûr qu'un producteur intelligent va bientôt mettre ça en route. On partait au Québec. On avait monté toute la programmation québécoise. Il y avait une espèce de Pascal Richard, je ne sais plus comment elle s'appelle. Richard, une femme. Une femme. Une sorte de Michel Thor de chez vous. Michel Richard. Oui. Okay, on m'a dit qu'elle vivait sur une île très rigolote. Je sors de Sing Sing. 7494 nuits. Seul se dispose un homme. Je voudrais une chambre avec un lit double, un gin double, de la brillantine, de l'eau de Cologne et ma clé. Je sors de Sing Sing, je reprends ma vie comme je l'ai laissée, tout nu, une rosette dans mon lit. L'hiver peut neiger, l'été aussi, rien ne peut plus me désoler. Je ne veux rien que je n'ai jamais eu, je n'ai besoin qu'un peu d'air et qu'un peu d'amour. Le temps m'a peut-être abîmé un peu, on baissera tous les abat-jours. Je sors de Sing Sing, ah que c'est long, 20 ans. Je vais t'attendre comme je t'attendais bien avant. Sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Et l'hiver a neigé, et l'été a neigé aussi, et je suis désolé d'attendre comme à Sing Sing. 7494 nuits. Seul, seul. Et ça continue. Ah, ça continue, moi j'en reviens, ça continue. Je pense à Sing Sing, je pense aux copains, à Gaston, à Dédé, qui vont sortir dans quelques temps. Faudrait les mettre au courant de pas courir, qu'ici on n'attend pas longtemps. Je vais retourner leur raconter, nourri, logé, comme ça c'est bâti en 20 ans. Et à quoi il faut s'attendre quand on s'absente pour un petit moment? Je reviens à Sing Sing, ah que c'est long, 20 ans, long comme les heures que j'ai vécu en t'attendant. Pierre, tu sors de Sing Sing, 20 ans, comment, 24, comment, donc 32, 43 525 nuits, autant de nuits que ça, oui, et ça rôde un peu. zing zing Jean-Bierre. On sort nos zing zing. Hein? Avec mon petit Serge qui nous raconte cette aventure des plus cabriolesques. Ouais. Je rencontre la petite fille de Tolstoï. Je crois que tout le monde le sait que mon Serge t'a rencontré la petite... Non, la grande petite fille ou la... Ou l'arrière petite fille. L'arrière. Parce que tout le monde sait que derrière, c'est mieux que le devant. Oh, oh, oh, tu t'avances, je me recule. Je me recule, attention. Nouveauté sort de ce corps mille trésors. Oui, cet atelier d'improvisation se consacrera aux esprits. Oui. Oh, j'aime pas ça, celui-là. Ah, ben, quoi, il faut bien le faire. Les esprits, attendez, sommes-nous en communication? Georges, rentrons-nous en communication? Coco, mumu. Ah, ben, je sais pas. On n'est pas... On veut vérifier. Sors de ce corps, mille... Coco, mumu. Oh! Oh! Oui, c'est nous. Ah, intéressant. Sors de ce corps, mille trésors. Nous rentrons déjà en communication. Quand même intéressant, là, parce qu'il est très tard. 1h13, 1h10, 1h15... Vers les uneurs. Oh, et nous avons un nerd qui communique. Nouveauté. Oui, je sais, oui. Ça sonne. C'est bon signe. Répondez pas. Personne répond. Couchez-vous, personne répond. OK, Mme Tremblay, couchez-vous. Ah bon, pas maintenant. Non, restez réveillés, là, mais couchez-vous. Comment ça? Me coucher sans dormir, je suis incapable. Je me suis acheté un nouveau matelas. Oh! Et ce matelas-là, oui, ce matelas-là m'amène dans des trépas respectueux. Oh, ben tant mieux, madame. Alors, ne vous étalez pas. Je ne m'étale pas sur ce matelas-là. Alors, étalez-vous par terre. Encore là, c'est un plancher flottant. Oui. Un plancher flottant. Oui, alors si je me couche, je risque de... De perdre la carte? Oui, à travers un... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Oui, nouveauté, sort de ce corps, mille trésors. Oui, hey, je sais compter jusqu'à 10. Ah, vas-y. Comment tu t'appelles? Je me réponds. OK, tu te réponds. Comment tu t'appelles? Je me réponds. Alors, réponds-toi. Alors, je me réponds. Répondez-vous. Répondez-vous, Mme Tremblay. On n'a pas de numéro. Oh, ça ne sonne pas. Oui, on est sur la ligne. Oui, répondez, monsieur. Hey, c'est mêlant, ça, là. Y a-t-il une émission qui suit après? Oui. Parce que je tiens à dire à nos auditeurs ou aux audios. J'ai dit aux audios. Oh oui. Les gens qui nous écoutent. Oh oui, les audios. Ben oui. Tous les gens qui nous écoutent, c'est des audios. Oh, des auditeurs. Oui, oui, auditeurs, mais ils nous écoutent grâce au... Au radio. Non, à la radio. À la radio. Oui, c'est KRL. Oui, 89.1, la radio des... Des erreurs rénaldiens. Oui, non, c'est quoi le nouvel adage, donc? CKRL s'occupe de nous, CKRL nous aime aussi, CKRL est parmi nous. Sors de ce corps, mille trésors, lâche-moi le trésor, mon trésor. Oui, cet atelier d'improvisation se consacre aux esprits. Ça lève. Arrête, tu parles de... Oui, ça lève. Je t'ai dit, j'en marre jamais avant une émission, hein? Pas de pilule bleue. Ça allait. Ben oui, c'est pas la pilule bleue, celle-là, c'est la pilule de l'amour. La pilule de l'amour. C'est laquelle? C'est la bleue. Oh. L'hexagonale. Comme Renault. L'hexagone. Hey, avons-nous la chanson de Renault, l'hexagone? Attendez, est-ce qu'on peut se lever? C'est pas le temps. Ah, c'est jamais le temps avec toi. On va faire. Non, on va faire l'improvisation. OK. Après, on va entendre l'hexagone. Écoutez, je vous promets, là. Je vous promets. Que si ce n'est pas le 10 juin... Oh non! Ce sera le 17 juin. Ah, oh, pas une semaine plus tard! Dans les Maritimes. Oh! Mais nous entendrons l'hexagone de Renault aujourd'hui ou la semaine prochaine, je vous le jure. Parce que après mon émission, je fais la semaine prochaine. Ben oui, c'est impossible! Comment ça? Aujourd'hui puis la semaine prochaine? Ben oui. On fait le 10 et le 17 maintenant. Hey, tu sais, voyons... Tu vas ramper comme le hasard. Oui, bien, j'aime bien ramper comme le hasard. Il faut ramper comme le hasard et à errance rénaldienne. Ben, oui, t'as déjà... Hey, attends un petit peu, toi, là. Tu demandes un peu d'articulation au niveau de la mâchoire molaire. Ça m'a l'air que ça va te lâcher. On l'a déjà dit, celle-là. Nouveauté, nouveauté. Arrête de le dire. Ça sort de ce corps, mais le trésor, bon. Nous discuterons avec une personnalité morte aujourd'hui. Entrons en communication avec... Oh, Samuel Beckett. Gainsbourg, c'est avec qui, donc? Avec... Je rencontre la petite fille de Tolstoï. Ah, Tolstoï, ça n'a rien à voir avec Beckett. Quoique, Tolstoï montrait sa Beckett. Montrait sa Beckett, mais oui, c'était connu. Il a fait de la prison, pourquoi? Ben, il s'est montré la Beckett. Oh, Samuel, lâche ta Beckett. Oh, mon Dieu. Alors, Samuel, excusez-moi, Monsieur Beckett, je ne veux pas. Est-il des nôtres? Êtes-vous en communication? Oui, nous sommes déjà. Oh. Alors, je le sens en colère. Non, il rigole. Oh, Monsieur Beckett aime l'humour. Ben, voyons, c'est certain. Samuel Beckett est né à Dublin. Il parle pas français? Ben, je vous le dis, moi. Écoutez-moi. Il est mort à Paris. Alors, il connaît le français. Il est francophone. Oh! Tout en étant dublinesque. OK. Alors, Samuel Beckett est né à Dublin le 13 avril 1906 et mort à Paris le 22 décembre 1989. Ça fait pas si longtemps. On était heureux en 89. Hein, madame? Que t'attends, moi? Ah, moi, j'attends Giono. OK, on l'attend. On l'attend. OK, on l'attend. Il me semble que c'est pas radiophonique, attendre. On va l'attendre. On l'attend. Fâche-toi pas. On y va. Il n'y a pas de musique. Mais non, dans l'attente, il n'y a rien. Il y a le suspense. Oui, c'est ça, quand c'est Hitchcock, il y a du suspense. Il fait... Il n'aime pas ça, le bruit. Si, gado, gado, gadi, gada, gado, gada, gada, agado, do, gado, agado, il n'aime pas ça. Je, non, c'est pas agado, c'est gado, gado, gado, la gado, gado, la gadi, gadi, la gada. Regarde-moi ça, le gado. Gado, en attendant, gado. On l'attend. Ah, c'est un Olympus, on a un truc. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un... Ah oui, ça sonne. Ça fonctionne à pile, ça? Quelle pile? Triple A. Ah, oh, t'as pas mis des... Alcaline. Oh, non, excuse-moi. Attends. On entend la... Ah oh, non, hey, entends-tu la gono? C'est pas la gono, c'est en entend... Tu brises tout le charme de l'interprétation, là, toi, là. Si c'est comme ça, là, Godot ne viendra pas. Ben oui, mais s'il n'arrive jamais, hey, penses-tu que Beckett... Sincèrement, Beckett ne s'est jamais attendu un jour, un soir, une nuit à voir arriver Godot. Ben là, c'est sa pièce, moi, là, je l'ai jamais lu, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais bu, je l'ai jamais entendu, je l'ai jamais... Godot, c'est qui Godot? Godot, en attendant Godot, Godot, Godot, Godot, Godot, que de dos, que d'eau, qu'il y a de l'eau. Ben oui, de Godot, c'est pas Godelot, c'est Godot, Godot, monsieur Godot. Eh, monsieur, on l'attend encore, oui, on va l'attendre, parce que ça vaut la peine, hein? Giono, Godot, c'est pas Giono, c'est Beckett, oh! Giono, Beckett, Beckett, la Beckett, la Beckett, le cœur, on attend, on attend. Je ne sais pas si Godot aime... Pas Godot, Godot! OK. Je ne sais pas si Godot aime le silence. Peut-être qu'il nous trouve un peu comme le poisson. On doit s'abstenir de parler. Godot arrivera. Est-ce que c'est un poisson, Godot? Hey, Godot, on s'approche. Godot, Godot. Oui, ça, c'est un des Godot. Non, non, Godot, un des Godot. Ah oui, mais on... On dort. Non, il n'y a pas dormi. OK, on parle pas. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours. Ça fait pas une émission de radio en attendant Godot. Ben voyons! Ça a eu un succès monstre en 52. Tu t'en souviens pas? Ben, j'étais même pas né. Ça, c'est pas... Et hey, Rimbaud disait, j'ai 18 ans. Non, on ramène souvent aux jeunes le fait de... Comment ça, tu sais pas ça? Ben ouais, mais j'étais pas né. Rimbaud disait, je suis jeune et je dois tout savoir. C'est pas ça qu'il y a... Ben, c'est à peu près comme ça, c'est une manière de parler. Ouais, c'est vrai. Alors, si on attend Godot, il n'arrivera peut-être jamais. On sait pas. Beckett? Est-ce que Godot est là? Bon. Est-ce qu'on peut lui parler? OK. Godot? Il me semble que c'est la voix de Beckett. OK. Ben c'est vrai que Godot, c'est Beckett. Bon. Alors, Beckett? Godot? Oui, je sais. Beckett, Godot, Godot, Beckett, Godot! OK. Dis donc, Beckett, est-ce qu'il t'a joué un tour dans cette pièce-là? Oui. Tu devais être là, hein? Ah non? Ah! Jamais? T'étais pas... Deux personnages sont là, parlent de toi, mais t'arrives jamais. C'est aussi pire que Dostoevsky. Tu connais l'idiot de Dostoevsky? Oui, bon. Mais Beckett, c'est pas un nos. Bon, mais pourquoi on t'attend, puis tu... Ah, oh, c'est comme ça que... Ah, oh, c'est le but de la pièce, t'es en... OK, t'es... Oui, oui, puis là, à un moment donné, on parle. Ah, oh, ça monte le temps qui passe, les gens qui n'arrivent pas. Ah, oh, hey, c'est bon, hey, Godot, je peux-tu parler à Beckett? Ah, je parlais à Beckett. Ah, c'est vrai que Godot, c'est Beckett. Monsieur Beckett, bravo, vous êtes un être intelligent. On vous offre deux morceaux d'étoiles et merci d'avoir parlé à Errance canadienne. C'est très rare actuellement que les morts comme vous en 89, hein, qui surtout à Paris en décembre, le 22 décembre, trois jours avant Noël, arrivent à communiquer avec nous. Mais nous, hein, on est en réunion avec tout ce qui bouge et tout ce qui parle et tout ce qui a existé et tout ce qui existera. On est autant dans l'analepse que dans le prolepse. Chiquet, bon. Et du tout. Oh, yes, indeed, it's fun time, fun time. Un whisky. Et alors un whisky. Et donc, on a fait une programmation d'en faire retourner à Québec. Ok. À Québec, sur les planches du Frontenac. Whisky pour tout le monde. Whisky. Pardon, passe une petite commande, mais on revient. Whisky. Ce qui est marrant, c'est que. Whisky. Trois whisky dans un bon. Le premier venu, vous inquiétez. Oui, bien sûr. Alors, Michel Richard. Trois cafés dans un bon mec. Oui, ah bah. Michel. Non, c'est pour te dire, toi, c'est quand même des personnages. Donc. Oui, mais. Oui. Il y avait Steve Corse. Oui, le Ricky Dance. Ricky, oui. Ricky Dance. Okay. Oh là là, c'est marrant. On était parti de France avec Marie, Myriam. Y'a quelqu'un chez nous, c'est même pas moi. C'est vrai que j'suis un peu sous, tout le monde peut se tromper. Le nouveau locataire me garoche un papier. Il paraît que c'est clair, que je dois m'en aller. J'essaie de rentrer. La police, les voisins, les boules d'escalier, le ding-pa-ding. Réveil étrange au milieu de nulle part, immobile comme un ange au coin du boulevard. Le monde passe sans me voir, on dirait qu'il danse, même les chars à soir roulent dans le silence. Je pense que j'ai faim, faudrait bien que je mange, il me reste un peu de change en dollars canadiens. Je rentre au roi du hot dog, je commande un café, il doit avoir un bug. La serveuse me regarde et me dit « Excusez-nous, monsieur, on est fermé. » Je regarde la serveuse, j'ai dit « Merci, bonsoir, vous êtes merveilleuse. » Puis je sors sur le trottoir. Là, je me vois dans la vitrine. J'ai vraiment l'air fucké. Juste à voir, on devine. J'ai mangé une crise de volée. Mais le problème, c'est que là, j'ai bien beau essayer. Je suis vraiment dans le coma. Tout oublié. Plus de papier, plus de nom. Je suis comme un étranger. Ça commence à être long. Si c'est un cauchemar, réveillez-moi. Je tourne le coin, pas loin de chez Sylvie. Ça fait 10 ans au moins que je suis pas venu par ici. C'est la rue Saint-Laurent, Julie me reconnaît. J'ai déjà donné de l'argent au coin de partenaire. Elle m'amène pas trop loin, en arrière du Jean Coutu. Un petit restant de joint, un peu de cul. J'suis pas vraiment en forme, Julie, que je dis juste avant qu'elle s'endorme. Pis là, ben moi aussi, je me sens endormi. Au métro Laurier, les femmes. fantômes fatigués attendent le train bleu sous les néons gris. Escalier roulant, je sors sur la rue, soleil éblouissant. Back again. You can leave if you want to. We're just jamming. That's all. Okay? You can leave or you can clap. Thanks. Thank you. This guy. Thank you. Thank you. c'est là que vous avez rencontré Michel Giroir? Oui, okay. Absolument. Okay. Mais oui. Ouais. Et donc, bien sûr, l'éternel Jeannette Reynaud. Et on était chanteur du Frontenac. Qu'est-ce que c'est beau. Et là-bas, avant de partir, la veille de partir, j'étais au bureau, au bout de Chaumont, j'écoutais encore quelques disques pour peaufiner un petit peu ma programmation. Et Pascal passe par le bureau, il me dit « Tabac, tu rodines ensemble ?» Et j'ai dit « Attends, avant de partir, j'ai quelqu'un d'autre à te proposer pour le Québec. » Écoute, mon garçon, c'est fini, la programmation est faite. On a tout ce qu'il faut, on en a pas là, on n'en peut plus des chanteurs. Je dis « Mais attends, là, quand même, s'il y a un... » Et j'ai fait entendre le disque de Linda Lemay que j'avais reçu parce que j'avais appelé les ambassades, la maison des cultures et tous les machins. Je voulais recevoir un maximum de poids pour faire prendre mon grain. T'as vu, je plane presque aussi vite que toi. Oh oui, c'est bien, c'est bien. Gabby, tu vas que c'est sympa. piling. Exactement. Et on écoute Linda Lemay. Oui, mais c'est formidable, t'as raison. Je l'engage. Enfin, pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Je dis, écoute, la programmation était faite, soi-disant. Bon, par contre, le titre, moi, je sais pas lequel c'est. Mais c'est celui-là, évidemment. Et le titre, c'était Le plus fort, c'est mon père. Ah oui, c'est... Oui. Il est tombé dessus tout de suite. Oh, moi, j'avais encore un doute sur le titre. Putain, mais c'est fou, il est bien, quoi. Donc, nous sommes allés tourner là-bas au Québec. On se donne rendez-vous à Québec ou au Québec. À Québec, ville de Québec. et on se dit, tiens, on va les tourner sur, en face, sur, sur l'île d'Orléans. J'avais dans la programmation... En quelle année ? 95. Ok, Félix Leclerc était décédé. Je sais, parce que nous sommes allés dans son jardin. Ok, oui. Son épouse, j'avais rentré dans son jardin. Mais elle n'a pas accepté qu'on tourne. Dans... On aurait aimé, mais c'était difficile. Like a my diva, she lives alone. No one to see her, the glamour is gone. Black and white diva before her eyes, she lies alone, immortalized. What's it like living still when you are imperishable? You're not needed anymore, but you're there. And rooms empty, last interview. Your soul in the movies, who are you? The upholstery in satin, the curtains gone frail. Your image faded, what's left to do? Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.